Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Notre Dieu est fidèle. Mon frère, Dieu est fidèle. Lorsqu'il t'a donné une promesse, sache qu'elle s'accomplira. Attends-la, même si elle tarde. Le juste vivra par la foi. Ne te laisse pas troubler par ce que les hommes te disent, par ce que tes ennemis te disent. Ils veulent t'effrayer. Dieu est fidèle. Tiens bon, réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous allons lire Néhémie chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 32. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Néhémie 3, 1 à 32. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Mea jusqu'à la tour de Hananel. À côté de Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les filles de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Meremoth, fils d'Iri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paseak, et Meshulam, fils de Bezodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils d'Arharja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Rephaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils d'Arumat. Et à côté de lui travailla Atush, fils d'Ashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour de four furent réparées par Malkija, fils d'Arim, et par Hashub, fils de Parkat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Aloshek, chef de moitié du district de Jérusalem. Hanun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus mille coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il a bâti et en posant les fondements, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol Hosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il a bâti la couvrie en posant les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth Tsur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison de Héro. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Ashabia, chef de la moitié du district de Keila. Après lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal de l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Meremoth, fils de Rui, fils d'Akot, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliakim. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Hashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaseja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Enadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Par la fille d'Isaïe, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fille de Paréoche. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fille de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fille de Shelemia, et Anun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mepkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Amen. Nous allons partager quelques vérités. Nous allons partager trois grandes vérités. Voici la première vérité. Le responsable ou les leaders doivent montrer les modèles du travail. Lorsque nous voulons relever les ruines d'une nation, nous voulons relever les ruines d'une église, nous voulons relever les ruines d'une entreprise, il faut que ceux qui sont à la tête montrent l'exemple. Ici, Néhémie devrait rebâtir la muraille avec les autres enfants d'Israël. Mais regardez, en tête, dans la réparation, il y a les souverains sacrificateurs qui était le premier responsable spirituel. Il n'a pas croisé les mains, il n'a pas dit que ce sont les autres, moi je suis bishop ou archibishop, mais le verset 1 dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, ils ont montré l'exemple, avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Il a consacré depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananel. Lorsque tu es leader, tu dois montrer l'exemple du travail. Il ne faut pas dire aux autres « travailler » et toi-même tu croises les mains. Non, ce n'est pas normal. Deuxième leçon, nous devons apprendre à travailler en équipe pour que nous puissions accomplir de grands exploits. Il y a une expression qui revient ici, c'est l'expression « à côté de ». Ça montre que pour réparer la muraille de Jérusalem, il fallait qu'il y ait un travail en chaîne, un travail en équipe. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, si aujourd'hui l'église évangélique, nous n'arrivons pas parfois à percer dans certains milieux, c'est à cause de nos divisions, à cause de notre égoïsme, de notre jalousie. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, mon ami. Tu ne peux pas faire seul. Oui, tu dois comprendre que Dieu nous utilise dans la diversité. Nous devons apprendre à marcher dans l'unité malgré la diversité. Ce sont des voies d'autres communautés comme les diaboliques, comme les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais ils ont quelque chose à apporter. Vous voyez, nous devons apprendre à travailler aux côtés d'eux. Dieu ne nous donne pas tous le même don, mais nos dons sont complémentaires. Il est dit au verset 2, à côté d'Eliashib, bâtir les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtir aussi Zakur. Verset 4, à côté d'eux, travailla en réparation Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akot. Verset 5. À côté d'eux travaillaient les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service du Seigneur. Verset 7. À côté d'eux travaillèrent Mélada, les Gabaonites, et ainsi de suite. Verset 8. À côté d'eux travailla Uziel, fille d'Arpa. Verset 9. À côté d'eux travailla aux réparations verset 10, à côté des travailleurs vis-à-vis de sa maison. Vous voyez, donc nous devons apprendre à travailler aux côtés des autres. Il y a des gens dont leur problème, c'est qu'ils ne savent pas comment vivre en équipe. Tant que tu ne sais pas comment collaborer avec les autres, mon ami, c'est difficile que tu puisses atteindre des performances escomptées. Troisième leçon, apprenons à impliquer tout le monde dans le travail, sans distinction de sexe, sans distinction de classe sociale, sans distinction d'origine. Vous voyez, c'est ça qui était le secret de la réparation des murailles de Jérusalem. Lorsque nous voyons les gens qui sont cités ici, il y a certains noms qui nous montrent que plusieurs couches sociales étaient impliquées, plusieurs corps de métiers étaient impliqués. C'est pour dire qu'aujourd'hui, pour rebâtir l'église, chacun a son rôle. On n'a pas besoin tout le monde d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être ancien. Non, je peux être travailleur, je peux être un maçon, mais j'ai quelque chose à apporter. Je peux être tailleur, j'ai quelque chose à apporter pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Regardez ici. Il y a des corps de métiers qui sont cités ici. Par exemple, on cite des orfèvres, on cite des parfumeurs qui ont travaillé. Verset 8. À côté d'eux travailla Uziel, fils d'Araja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. Verset 32, on dit, les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Même les femmes étaient impliquées. Il est dit ici au verset 12, à côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Aloshek, chef de la moitié du district de Jérusalem. Ne faisons pas de distinction de sexe lorsqu'il faut faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté. Viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Gloire à Dieu. Il est notre Père, il nous aime. C'est pourquoi je vous convie à louer l'Éternel avec moi au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, toi qui nous as gardés toute cette nuit et qui nous accordes cette journée par pure grâce. Que l'honneur te revienne, notre Dieu, notre Seigneur. Nous bénissons ton nom en ce moment, ô Éternel notre Dieu, toi qui produis en nous l'unité par ton esprit. Nous bénissons ton nom également, ô notre Père, notre Seigneur, toi qui fais de nous des modèles. Merci. Toi, le Dieu qui produit en nous la volonté de travailler. Sois béni, toi qui as travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, tu t'es reposé. Que l'honneur te revienne, notre Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, ô notre Père. Sois béni, toi qui nous communiques des talents pour que nous puissions travailler pour l'avancement de ton œuvre. Nous te glorifions. Ô Éternel notre Dieu, de ce que nous avons du prix à tes yeux, glorifie ton nom, ô Père, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Le texte de base, c'est Néhémie chapitre 3, 1 à 32. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir que le leader doit être le modèle du travail. Prions le Seigneur pour tous ceux qui occupent le poste de leadership à quelque niveau que ce soit, sur le plan national, dans nos entreprises et même dans nos églises, afin qu'ils soient des modèles du travail. Demandons pardon et bannissons l'esprit de paresse. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu nous fais du bien chaque jour. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous élevons ton Saint-Nom, tendre Père, parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Ce matin, nous prions pour tous nos leaders, pour tous ceux qui occupent des postes de responsabilité dans des entreprises, dans des sociétés, dans le corps du Christ, dans les ministères. Nous prions au Père éternel afin qu'ils soient des leaders modèles, qu'ils exercent leurs fonctions avec la responsabilité requise. Nous prions au Père éternel contre toute forme de paresse, contre toute forme de négligence. Et nous demandons, Père, comme tu l'exiges toujours, que par ta grâce, par ton Esprit Saint, tu fasses en sorte que nos leaders soient des témoignages vivants de la référence, soient des témoignages vivants de l'excellence. Nous prions au Père éternel contre toute forme de négligence, contre toute forme de paresse, contre toute forme de sabotage dans leur entreprise, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que nous savons que tu fais de grandes choses dans nos vies et que tu sécurises nos leaders. Nous prions au Père éternel, contre toute forme de sabotage dans leur entreprise. Et nous demandons que nos leaders soient des leaders de référence, que nos leaders soient des leaders modèles et qu'ils soient des exemples de l'excellence dans tout ce qu'ils entreprennent. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons apprendre à travailler en équipe. Souvent, lorsqu'il y a des conflits interpersonnels, le travail de Dieu ne peut pas avancer. Même au niveau national, même dans les entreprises. Si nous n'apprenons pas à travailler en équipe, nous n'allons pas atteindre les résultats escomptés. Prions pour bannir l'esprit de jalousie, l'esprit de rivalité, l'esprit de division. Prions pour que Dieu nous donne de travailler en harmonie, en équipe et dans la cohésion sociale. Prions le Seigneur. Amen. Sachons impliquer les autres. Prions pour que, surtout dans nos églises, nous puissions impliquer tout le monde. Nous ne devons pas exclure les gens. Il ne faut pas dire, celui-là, comme c'est un pauvre, il n'a rien apporté à l'église. Celui-là, comme c'est une femme qui est de basse classe, et on doit l'exclure. Non, tout le monde a quelque chose. Prions pour que Dieu nous révèle nos dons et nos talents, pour que nous puissions le mettre au service de l'église et au service de l'avancement de l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Amen. Oui, c'était OSB. Nous voulons rappeler que nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Ce sera pour dimanche prochain au CPE. Il y aura deux services. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Que Dieu vous bénisse et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À Seigneur.